mugize ibimenyetso bya AVC hamagara kuri 65 56 ubusa 3. Abaganga b'ibitaro Lana Neurological Clinic babatore banabibafashemo. Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. Les troupes burundaises ne feront pas partie de la nouvelle mission de l'Union africaine en Somalie à Ussom qui débute le 1er janvier 2025 en remplacement de l'ATMIS dont le mandat se termine ce mercredi 31 décembre 2024. La commune Songa en province Bururi est dans le noir depuis 10 mois déjà. La population vivant des activités nécessitant de l'électricité est lassée de trop attendre un nouveau transformateur. Correspondance de Zeno Nzambimana. Les graines de maïs mis sur le marché en commune Kayanza par l'Agence nationale de gestion du stock stratégique alimentaire se vendent à une petite allure. Notre correspondant nous expliquera pourquoi. Et les caféiculteurs de la province Bouvanza se lamentent du manque de produits phytosanitaires pour la pulvérisation de leurs champs de café. Le pari sportif appelé betting est autorisé par les lois régissant le football, sauf pour certaines catégories de gens. Vous l'entendrez dans la chronique sport. Voilà pour le sommaire. Isanganiro, la radio de l'avenir. Les troupes burundaises ne feront pas partie de la nouvelle mission de l'Union africaine en Somalie à Ussom qui débute le 1er janvier 2025 en remplacement de l'ATMIS dont le mandat se termine ce mercredi 31 décembre 2024. C'est le contenu d'une correspondance du ministre somalien de la Défense du 26 décembre 2024 à son collègue burundais. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé samedi dernier, 28 décembre, la résolution mettant en place cette nouvelle mission qui sera composée d'un peu plus de 11 900 personnes. Les détails avec Mireille Kanyang. Le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé samedi 27 décembre matin cette nouvelle mission de l'Union africaine en Somalie à Ussom, une mission d'appui et de stabilisation de ce pays. Selon le bureau de presse des Nations Unies, cette mission a été votée par 14 voix pour et une abstention, celle des États-Unis d'Amérique. La Ussom entre en fonction dès mercredi 1er janvier 2025, alors que le mandat de l'ATMIS se termine ce mardi 31 décembre. Selon toujours ce bureau de presse, la nouvelle mission est dotée d'un effectif total de 11 911 personnes au maximum, dont 11 826 agents en tenue et 85 civils, et s'articule en quatre phases allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2020. L'adoption de l'AUSOM samedi 27 décembre est tombée au lendemain d'une correspondance du ministre somalien de la Défense le 26 décembre de cette année, référencé WG/XW/0488/12/24 à l'endroit du ministre burundais de la Défense avec objet la non-participation des militaires burundais dans la AUSOM. Cette correspondance montre en outre que le Burundi s'était adressé à la Somalie lundi 23 décembre de cette année sur le nombre de forces burundaises qui participeraient dans cette nouvelle mission. Pour clore cette correspondance, Abdulkadir Mohamed Nour, ministre somalien de la Défense, dit que son pays respecte la décision du Burundi et se voit obligé d'accepter la non-participation des militaires burundais dans la AUSOM. Il dit apprécier la contribution des troupes burundaises dans le maintien de la paix en Somalie. Le Burundi était en Somalie depuis 2007 dans l'AMISOM, puis dans l'ATMIS et occupé le secteur 5 à Djouar, dans la région de Hirshabelle. Deux maisons du quartier Mugoboka 2 se sont déjà effondrées. Une famille a déjà déménagé à cause de leur maison, dont la fondation s'est affaissée. Des habitants qui se sont exprimés sur la radio-télévision Isanganiro ce lundi s'inquiètent de ces ravins qui continuent de s'étendre. Le responsable des 10 maisons dans cette zone appelle le gouvernement ou toute personne de bonne volonté à aider à renforcer les berges de la rivière Nahangwa, comme cela a été fait dans le quartier Mugoboka 1. Un reportage de Lydie Gahimbari. Ces habitants du quartier Mugoboka 2, riverains de la rivière Nahangwa, s'inquiètent des berges de cette rivière qui s'écroule du jour au jour. Ici, ils racontent le phénomène. Ici, il y avait une route qui passait tout près de ces maisons. Mais ces ravins se sont écroulés au fur du temps et la route s'est coupée. Vous voyez là-bas, il y avait une maison. À côté de cet arbre, il y avait une église. Mais ils sont déménagés vers Mugoboka. Avec un désespoir total, cette femme indique qu'elle a de la peur après avoir vu une maison de sa voisine qui s'est effondrée. La maison de ma voisine s'est effondrée. J'ai peur que c'est mon tour. Les berges de la rivière Nahangwa s'agrandissent de jour au jour. Nous sommes inquiètes du lendemain. Nous risquons de subir les mêmes problèmes qu'a connu notre voisine. Que ce soit ses habitants ou Godefroy Balalunyeletse, responsable de 10 ménages, demande au gouvernement ou aux volontaires d'intervenir pour soutenir les bergers de la rivière Nahangwa. Nous demandons aux bienfaiteurs ou le gouvernement d'intervenir et planter les bambous pour soutenir les bergers de la rivière Nahangwa ou utiliser les gabions pour éviter l'écroulement. Nous souhaitons avoir des interventions, même volontaires, comme on l'a fait dans le quartier Mugoboka 1. Cela étant, dans le quartier Mugoboka 1, un volontaire est en train de soutenir les berges de la rivière Nahangwa dans cette localité et reliant Mugoboka 1 et 2 qui s'était coupé à cause de ces ravins. Trois hommes habitant le quartier Kanyengoko de la ville de Rumonge sont locataires du cachot du commissariat communal de Rumonge depuis le matin de samedi dernier. Des sources sur place indiquent que le premier à être arrêté par la police de Rumonge vers 2h30 sur renseignement du comité mixte de sécurité dans ce quartier a été soupçonné d'avoir violé sa bonne de 15 ans. Ces sources indiquent que ce dernier, ayant crié au secours, a été conduit à l'hôpital dans un état critique pour une prise en charge. Les deux autres hommes arrêtés seraient rentrés avec le présumé violeur et l'auraient aidé à accéder dans la parcelle où il vit depuis quelques jours avec sa bonne. Sa femme étant hospitalisée selon des sources policières. Alors que des rumeurs de tentatives de corruption de la fille pour qu'elle décharge son patron ont circulé le soir de samedi, le commissariat provincial de police de Rumonge informe que le dossier irrelatif est en cours d'instruction et qu'il avance normalement. Après qu'une cinquantaine de familles de Rouvira, en commune de Gihanga de la province de Bouvanza, aient dénoncé qu'un individu avec qui ils sont en conflit ait détruit leur culture au vu et au su des autorités administratives, le chef de l'État désapprouve leur comportement. Dans l'émission publique de vendredi dernier, Evariste Ndayishimiye a indiqué que ces administratifs sont à destituer. Il demande aux autorités du genre à abandonner ses mauvaises habitudes avec cette année 2024 qui touche à sa fin. Suivez le président de la République, Evariste Ndayishimiye, dans cette traduction française d'Evariste Nzikobanyanga. Un administratif qui accepte qu'un champ de culture soit déraciné, il est paresseux. Sa tête est vide, il est considéré comme un hibou. Il est vraiment inconcevable qu'un champ soit déraciné en présence de l'autorité. Elle pouvait au contraire recommander à attendre sa mature avant toute chose. Ça n'existe pas de voir qu'un champ soit déraciné en présence des autorités à la base. Ceci montre que nous provenons d'un passé compliqué. C'est pourquoi j'exhorte ce genre d'autorité à abandonner ses mauvaises habitudes avec cette année qui va prendre fin. Cette autorité qui accepte de tels actes est à destituer. En ce qui est procès concernant un conflit foncier, j'ai déjà constaté qu'il y a ceux qui n'acceptent pas la décision du tribunal. Il y a d'autres qui sont victimes d'injustice. Dans le cas d'espèce, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui est saisi pour voir si le procès s'est déroulé conformément à la loi. Mais comme l'on a constaté que la loi était lacunaire, j'ai de l'espoir que la Chambre basse du Parlement a déjà statué sur ce dossier pour que le Conseil supérieur de la magistrature puisse avoir une loi qui va l'aider à prendre des décisions. Nous avons donc de l'espoir que ce projet de loi qui est au niveau de l'Assemblée nationale pourra déterminer celle ou celui qui aura raison ou pas. Le président de la République, Evariste Ndayishimiye. Les caféiculteurs de la province de Bobanza se lamentent du manque de produits phytosanitaires pour la pulvérisation dans leurs champs de café, un travail qui aurait dû avoir été fait dès la floraison au mois de septembre, comme ils le disent. Ces cultivateurs craignent que les récoltes ne soient pas bonnes cette année et demandent aux autorités de régler ce problème. À la direction provinciale de l'agriculture, on explique que ce travail de pulvérisation du café est en cours de préparation. Spes Caritas Kavanyana. Ces cultivateurs des différentes collines des communes Musigati, Manda, Bubanza et Rugazi se lamentent du retard des travaux de pulvérisation de leurs champs de café, des travaux qui devaient être faits au mois de septembre cette année avec les premières pluies de la saison culturelle A lors de la floraison du café, selon les cultivateurs rencontrés à Musigati. Ils disent qu'ils étaient à l'aise avec les associations comme Intercafé et Senac Mulima Wisangi dans différentes travaux comme le paillage, la pulvérisation et autres, mais ils connaissent des retards actuellement que l'État a fait la relève de l'encadrement de ces cultivateurs, comme ils le disent. Ils demandent que ce problème soit résolu dans les meilleurs délais, sinon les récoltes risquent de chuter selon ces cultivateurs. Sylvestre Ndayishimiye, directeur à la DPAE Bubanza, tranquillise et explique que ces travaux de pulvérisation des arbres de café sont en cours de préparation et que bientôt ces produits vont parvenir à ces cultivateurs. Spes Caritas Kavanyana, Bubanza, Radio Isanganiro. De Bubanza à Kayanza, où 4 tonnes 370 kg de grains de maïs seulement ont été vendus en commune Kayanza depuis la campagne de cette activité par l'Agence nationale de gestion du stock stratégique alimentaire, plus de 200 tonnes ont été mises sur le marché. Ernest Vitsinda, agent provincial à Kayanza de la coopérative d'investissement agropastoral, indique que la cause serait le fait que les agriculteurs sont en train de récolter la production du maïs de la saison culturelle. C'est passé. Patrick Saint-Guillaume. Lors de notre passage au hangar de stockage des grains de maïs qui ont été collectés par l'Agence nationale de gestion de stocks stratégiques alimentaires en AGSA en sigle et la saison QTA est passée en commune Kayanza, nous avons constaté que les acheteurs étaient peu nombreux. Interrogé à ce sujet, Jean-Pierre Ndagijimana, agent superviseur de l'Agence nationale de gestion des stocks stratégiques alimentaires en commune Kayanza, celui-ci nous a indiqué que depuis le lancement de l'activité, on avait dans le hangar des 150 tonnes et qu'aujourd'hui, après 10 jours d'activité, on a vendu que 4 tonnes et 300 kg de grains de maïs. C'est le lit. Certaines des causes seraient qu'ils s'observent ces jours-ci de la pauvreté dans beaucoup de ménages et que pendant ce mois de décembre, les agriculteurs sont en train de récolter le maïs semé pendant la saison culturelle s'est passée. Les propos qui sont confirmés d'ailleurs par Vicinda Ernest, représentant provincial à Kayanza de la coopérative d'investissement agropastoral CIAP en sigle. Quant à la question selon laquelle le délai accordé à la population pour acheter ces grains de maïs pourrait expirer alors que la production du maïs est encore en grande quantité dans les hangars. Il nous a fait savoir qu'après le 10 janvier l'année prochaine, l'achat de ces grains de maïs sera accordé aux commerçants et que d'autres mesures qui s'imposent en rapport avec cette activité seront prises par des instances habilitées. Bien que plus d'un parmi les acheteurs réclament d'acheter au moins 50 kg de grains de maïs, vous saurez qu'aucun acheteur n'est autorisé à dépasser l'achat de 25 kg de grains de maïs. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le chef-lieu de la commune Songa en province Bururi est dans le noir depuis 10 mois déjà. Du coup, les activités nécessitant du courant électrique sont paralysées. L'administrateur de cette commune, Damien Ndakuriyo, n'a cessé de réclamer un nouveau transformateur électrique auprès de la régie des eaux. Le chef d'antenne de cette régie de distribution d'eau et d'électricité dans la région sud, Désiré Manilambona, rassure que d'autres transformateurs ont déjà été commandés. Zenon Zambimana. Ce que nous faisons entendre chez les propriétaires des ateliers de soudure, des cafétérias, des moulins et d'autres activités nécessitant du courant électrique à Ruvuvu au chef-lieu de la commune Songa suite au manque de courant électrique depuis 10 mois. D'autres qui grognent sont les fonctionnaires de l'État et d'autres qui utilisent des machines, ordinateurs et d'autres appareils nécessitant du courant électrique. Ils disent que même les plaques solaires qu'ils utilisent ne sont pas du tout efficaces, surtout pendant cette saison des pluies. Tous demandent la réaction de la régie des eaux car leurs activités sont paralysées depuis le mois de mars de cette année. L'administrateur de la commune Songa fait savoir que les employés de la régie des eaux sont informés depuis longtemps que le transformateur qui était installé à Ruvuvu a été foudroyé. Damien Gendakulio indique qu'il attend lui aussi la réaction de la régie des eaux. Le chef d'antenne de la régie des eaux dans la région sud du Burundi confirme avoir transmis le rapport sur son cas à son hiérarchie. Désiré Manirambona appelle la population de Ruvuvu à la patience car le nouveau transformateur pour remplacer celui qui a été foudroyé a été déjà commandé. Depuis Bururi, Zenon Zabimana pour la radio Isanganiro. Actualité internationale. À la une, l'ancien président américain Jimmy Carter est décédé ce 29 décembre à l'âge de 100 ans, après avoir passé plus d'un an en soins palliatifs. Alors que la plupart des autres occupants du poste ont effectué deux mandats consécutifs, Jimmy Carter n'a remporté qu'une seule élection présidentielle américaine en 1976. Carter a exercé un mandat présidentiel marqué par des défis complexes à la Maison-Blanche de 1977 à 1981. Après son mandat, il s'est consacré à des causes humanitaires, notamment à travers le Carter Center, une organisation qu'il a fondée pour promouvoir la paix, surveiller les élections et éradiquer des maladies. Ce travail lui a valu le prix Nobel de la paix en 2002, reconnaissant ses efforts pour construire un monde plus juste et solidaire. Le président Biden a décrété une journée de deuil national le 9 janvier prochain. Radio Isanganiro, chronique sport. Le pari sportif appelé betting est autorisé par les lois régissant le football, sauf pour les joueurs évoluant dans les championnats des première et deuxième divisions, les entraîneurs et les autres membres du personnel des clubs. Commentant l'article 43 du règlement régissant le football professionnel, Dr Célestin Vutsevanga, professeur à l'Institut d'éducation physique et des sports de l'Université du Burundi, fait savoir que lorsque les professionnels sportifs s'impliquent dans le betting, cela freine le développement du sport. Cette chronique sportive est signée Jean-Marie Vianengendakouman. Dans les différents pays, la loi autorise le pari sportif du fait que cette activité est génératrice de revenus car elle paie l'impôt et taxes. Explication de Dr Célestin Vutsevanga, professeur de l'Université du Burundi dans l'Institut de l'éducation physique et des sports. Cette activité, effectivement, de betting, ça se fait dans le monde entier. La loi dans les différents pays, même au Burundi, l'autorise. D'où, ce n'est plus quelque chose de en cachette, mais c'est une activité qui paie même les impôts, qui paie même les taxes. Malgré cela, ce professeur de l'IEPS fait savoir que les footballeurs professionnels et les autres membres du personnel des clubs sportifs ne sont pas autorisés à participer à des paris sportifs, selon l'article 43 de la loi régissant le football professionnel. Pour le moment, il faut peut-être comprendre, est-ce que toutes les personnes sont autorisées à faire le pari sportif? On remarque effectivement qu'au niveau international, même au-delà des clubs et des fédérations, la FIFA a déjà ordonné que les joueurs sportifs de haut niveau ou même les professionnels ne peuvent pas faire des paris sportifs. Et je crois que c'est le même cas au niveau du Burundi où les joueurs de Ligue A, de Ligue B ou même les joueurs de l'équipe nationale ne peuvent pas faire de paris sportifs. Lorsque ces personnes s'impliquent dans les activités de betting, les conséquences sont multiples, notamment la diminution des performances des joueurs de l'équipe nationale. Et les conséquences sont multiples. Imaginez un joueur qui appartient à un club X et qui fait le jeu de paris et qui sait qu'il va normalement ramasser des millions, mais tout en se faisant perdre ou en causant une perte ou une défaite à son club. Supposons qu'il est dans l'équipe nationale, alors que l'équipe nationale devrait normalement montrer ou devrait gagner et que ça donne normalement l'image du pays, ça donne normalement la place du pays au niveau mondial, à l'échelle internationale. Alors que ce joueur fait cela dans une équipe nationale, vous comprendrez que le pays perd énormément et ça a des conséquences au niveau des performances, au niveau de l'équipe nationale. Docteur Célestin Vosebanga explique que les différentes fédérations de football, y compris la Fédération burundaise de football FFB, devraient faire des enquêtes et prendre des mesures strictes dans le but de punir les professionnels sportifs qui exercent le pari sportif. Je crois que le plus urgent, c'est de faire des enquêtes, voir ces gens et est-ce que les lois de la FFB disent quoi ? Est-ce qu'il faut les punir, il faut les écarter? Donc il faut chercher, selon la loi, la punition s'ils ont effectivement commis cette faute. C'est une erreur grave qui fait reculer effectivement le niveau de la pratique de football, en général même au Burundi. Ce professeur de l'Université du Burundi, dans l'Institut de l'éducation physique et des sports, fait savoir que l'article 12 du code d'éthique régissant le football professionnel impose des sanctions, y compris la suspension et l'interdiction à vie de participer aux compétitions sportives si les joueurs, les entraîneurs, les arbitres et autres officiers sont pris à flagrant délit de manipulation des matchs ou de paris illégaux. Et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.